Pour la première fois depuis 2011 et le mouvement chez Eden Games, des salariés français du jeu vidéo se sont mis en grève depuis le mardi 14 février. C'est un article premium sur GameCult, hein. Donc bien évidemment vous le savez, quand c'est un article premium, par respect pour son auteur et pour le site dont il est tiré, je vais vous lire juste quelques passages. Et donc ce papier nous dit notamment que 21 salariés du studio Eugene Systems, hein, sur la quarantaine que compte l'entreprise, hein, ont quitté leur poste mercredi après-midi. La grève a été reconduite pour toute la journée suivante. Les travailleurs et travailleuses, hein, nous dit-on, de la structure parisienne sont en conflit depuis plus d'un an avec leur direction au sujet de la rémunération des employés. La sortie, hein, la veille du second pack d'expansion pour le jeu style Division Normandie 44, le titre phare du studio, a mis le feu aux poudres. Selon Félix Haber, hein, délégué du personnel et plusieurs de ses collègues, les salariés se sont vus remettre leur fiche de paye bien en retard juste après le déploiement du contenu et ils ont constaté une baisse de leurs revenus. Factor News a pu interroger une personne employée du studio, comme d'habitude, hein, je vous mettrai le lien, du studio donc à propos de ce mouvement social, et cet employé dont le nom a été changé bien sûr, nous dit « Depuis environ un an, date de l'entrée en fonction de nos délégués du personnel, nous avons remonté par leur intermédiaire des irrégularités dans le fonctionnement du studio. Les salaires minimums, pas toujours respectés, les frictions avec la direction créative des projets développés dans l'entreprise et la gestion administrative complètement à l'arrache, entre autres choses. » Aujourd'hui, 14 février 2018, donc hein, c'était mercredi, après avoir reçu nos fiches de salaire avec 2 semaines de retard, au lendemain de la sortie donc, de ce fameux DLC de Steel Division, nous avons, hein, dit l'employé, constaté le résultat de la dernière magouille en date. C'est ce qui a cristallisé notre ras-le-bol et nous avons spontanément décidé de nous mettre en grève à la mi-journée, grève qui sera suivie sur la journée de demain. Donc visiblement, la grève est toujours en cours, hein, si je ne fais erreur. En tout cas, là, je ne sais pas au moment où vous entendrez l'émission, mais en tout cas, là, ce jeudi, c'est toujours le cas. La libération de la parole dans l'industrie, hein, dit cet employé, et les enquêtes qui ont été publiées à propos de Quantic Dream n'ont fait que confirmer ce que nous soupçonnions déjà, à savoir que notre situation était loin d'être unique au sein des studios français. Ça bouge, hein, dans l'univers du jeu vidéo français. Je vous tiendrai bien sûr au courant, hein, de la suite des événements.